Ainsi dit le Seigneur, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Na komi tungi sate o, pote na ebin kolo a ebiba moinanga. Ata na sima ye ya no ya minga nga o. Gana komi tungi sate, yene lilo ba ya suka ya bo moina bato. Gana guma mela seye. Na Bible bikomba babotaka bilombe bikomba lelo toguma mela nzambe hey. Silas, ami moni sakande na ba situation difficile o. Azala kana conseiller te na mokirie. Ata obungisi moto ya motu ya e. Somi sama tondi. Yene mokeli na bata sala kalo e la liye. Ainsi dit le Seigneur, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point.